Laine quand vient la nuit, se promène au hasard. Les rues la voient passer là, protège du noir. Elle n'a pas peur des ombres, ni des bruits dans son dos. Ce ne sont que des sons, certains lui semblent beaux. Les lampadaires font des flaques, des lumières sur le sol. Marlène y voit d'étranges farandoles, des rondes d'oiseaux de nuit, tout un bal d'étoiles. Marlène, quand vient la nuit, la ville lève son voile et elle danse. Marlène, elle danse. Marlène, Marlène se perd en chemin, elle est au hasard des rues. Elle danse seule, une valse sans retenue, en pensant aux hommes qui dorment sans savoir rien, aux femmes qui croient savoir et ne savent pas bien. Un chien lève la patte, c'est un feu d'artifice. Un chat miaule à la lune, son chant est un délice. Un chien lève la patte, c'est un feu d'artifice. Un chat miaule à la lune, son chant est un délice. Et elle danse. Marlène, elle danse. Marlène, et elle danse. Marlène se sent seule, la lune s'est éteinte. La nuit, elle aussi, a cessé son étreinte. Elle qui pensait aux hommes, sans en savoir rien. Elle se retrouve en somme, toute seule au matin. Elle se croyait heureuse, ne vivant que pour elle. Elle se croyait heureuse, finalement l'est-elle. Les rondes d'oiseaux de nuit, et les balles d'étoiles. Dans les yeux d'un autre, ce ne serait pas si mal. Les rondes d'oiseaux de nuit, et les balles d'étoiles. Dans les yeux d'un autre, ce ne serait pas si mal. Mais elle pleure. Marlène, elle pleure. Marlène, et elle pleure.